Elle a les yeux clairs et une peau satinée, un élan de vert et un grain de beauté qui frôle le coin de ses lèvres. Son sourire me rappelle doucement l'été, un rayon de soleil parfumé des senteurs de la sève. Avec elle, je vis l'instant présent, à chaque seconde, à chaque moment, c'est un rêve éveillé. Je partage la vie de cet archange, priant pour que rien ne dérange nos âmes sœurs enlacées. Je dois remercier la vie et ses emprises de m'offrir la plus grande des surprises, l'amour d'une femme. Je dois remercier le destin d'avoir posé sur mon chemin la plus belle des dames. Durant tout ce temps, je me suis demandé quand est-ce qu'allait arriver la question de notre vie. Lors d'une soirée d'automne ensoleillée, je me serais agenouillé pour que tu deviennes ma femme. Je dois remercier la vie et ses emprises de m'offrir la plus grande des surprises, l'amour d'une femme. Je dois remercier le destin d'avoir posé sur mon chemin